Je n'ai jamais su vraiment pourquoi je m'enfonce. Je n'ai jamais su vraiment toutes ces questions sans réponse. Dieu est dans le silence, Satan est dans la défense. En m'observant de près, un jour tu comprendras. Regarde mes yeux, ce sont ceux d'un mort vivant. Regarde mes yeux, ce sont ceux d'un mort vivant. Tu me demandes comment puis-je être encore en vie. Après ces amitiés poussières, tous ces verres et toutes ces filles. Chaque fille qui m'a quitté m'a tué un peu plus. En m'observant de près, peut-être tu comprendras. Regarde mes yeux, ce sont ceux d'un mort vivant. Regarde mes yeux, ce sont ceux d'un mort vivant. Regarde mes yeux, ce sont ceux d'un mort vivant. Regarde mes yeux, ce sont ceux d'un mort vivant. Regarde mes yeux, ce sont ceux d'un mort vivant. Regarde mes yeux, ce sont ceux d'un mort vivant.